بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ils ont posé la question أو cette question à Cheikh Ibn Baz رحمة الله عليه. كثير من المسلمين يحرصون على أن لا يفوتهم من الصلاة شيء، فإذا أقبلوا على المسجد وسمعوا الإمام يصلي أخذوا يجرون ويسرعون إلى المسجد لإدراك الصلاة، فما حكم هذا العمل أو هذه الظاهرة؟ ils ont posé cette question par rapport à la salat, certains musulmans, quand ils vont au masjid, et ils s'aperçoivent qu'ils sont en retard, et ils entendent l'imam réciter, ou il va bientôt faire le recours, ou il fait le recours, il dit Allahu Akbar. Enfin, tu trouves certains, ils courent, et ils se précipitent. Et ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, est-ce que hada, c'est permis? قال رحمه الله الإسراع والركض أمر مكروه هذا سمكروه سيدتستابل ندوى بافر هكذا بوركوا قال لا ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الحديث إلى في صحيح البخاري صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة Si vous allez au masjid pour faire la salat, fa'alaykum bis-sakina. As-sakina, c'est le calme, la sérénité. Quand on va au masjid, on doit aller calmement et être serein et s'occuper avec dhikr. قال النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا. Et هذا, c'est un tawjih nabawi, jamil. Ça, c'est un conseil du prophète صلى الله عليه وسلم. Est-ce que vous arrivez, maintenant tu arrives et l'imam il a fait deux rak'a, il te manque que deux rak'a. Fais ces deux rak'a avec lui. قال وما فاتكم فأتموا. Est-ce que tu as manqué? Rattrape-le. مثلاً, tu es arrivé en retard à la salat du dhuhr. Tu as manqué deux rak'a, les deux premières. Donc tu vas faire deux rak'a avec l'imam, avec le groupe. Quand l'imam il fait salam alaykum, salam alaykum, tu te relèves et tu finis tes deux rak'a. Sans se précipiter, sans courir. قال واللفظ الآخر إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار لا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Et dans une autre version, toujours dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, une précision, قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة والوقار. الوقار, ça ressemble à السكينة, et le calme. ولا تسرعوا. Dans ce lafz, il y a la précision, ne vous précipitez pas. قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Ce que tu rattrapes avec l'imam, ce que tu arrives à faire, fais-le. Et ce que tu as manqué, rattrape-le. قال والسنة أنه يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف هذا هو السنة. شيخ ابن باز رحمه الله. Il a résumé أن السنة c'est quoi? Calmement. Tu marches. Et la concentration, elle commence avant. Donc, le fait d'être calme, d'occuper sa langue avec le dhikr et son cœur avec le rappel d'Allah Azza wa Jal, ça nous permet d'être concentrés. Tranquillement et sereinement, tu rentres dans le rang et tu fais le takbir. Tu fais le takbir et s'ils sont recours, fais le recours, soujoud, et alhamdulillah, tu continues ta salat. L'imam, il y en a le fait de se précipiter. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسرعوا, ne vous précipitez pas. Le fait de se précipiter, ça va avoir quoi comme conséquence? Awwalan, tu vas déranger les autres. Tu vas déranger al-musalloun, ceux qui sont dans le rang. Et on a tous connu hada. Tu es dans le rang, dans la salat, et un de nos frères qui arrive en retard, il se précipite et ça dérange, ça fait du bruit. Hada awwalan, ça dérange les autres. Thaniyan, cet homme qui se précipite, ce musulman qui se précipite, il n'y a aucun doute que quand il va rentrer dans la salat, ba'dhum rentre, ils sont essoufflés. Et ils ont du mal à se concentrer dans ce cas-là. Donc, هذا, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète, عليه الصلاة والسلام. كذلك, on fait des efforts pour arriver à l'heure. Bel, normalement, on doit faire des efforts pour arriver avant. Il y en a, بعض الناس, ces retards, ça leur arrive souvent et ils se précipitent. Donc, on n'a pas à se précipiter. On fait des efforts pour arriver avant, se concentrer. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.